C'est moi quoi où t'es moué. Moi quoi où c'est mettre la vie. Moi quoi où j'ai tout pour moi. Et moi quoi où apprenne. Seigneur, moi quoi où c'est mon Dieu. Oui, moi quoi où apprenne. Quoi où t'es loué et moi quoi où ressuscité. Oui, moi quoi où c'est mettre la vie. Oui, moi quoi où c'est prince la paix. Oui, moi quoi où j'ai tout pouvoir et moi quoi où apprenne. Yeah. Hallelujah. Yeah.